89.1. Québec. Aujourd'hui au Grain de Sable, une entrevue avec Stéphane Reinchold de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, le TCRI, en première demi-heure et la chronique de Cédric Leterme en seconde partie d'émission. Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de Sable d'Attaque Québec en ce magnifique 25 février 2012. Alors pour ceux qui c'est la première fois qu'ils nous écoutent, je vous rappelle que le Grain de Sable est un magazine socio-économique réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et aussi pour l'action citoyenne qu'on connaît bien sous le nom d'Attaque Québec et où l'on y écoute de la musique engagée et où l'on y reçoit des invités engagés. Comme je vous le mentionnais, nous allons nous entretenir avec Stéphane Reinchold, directeur de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, le TCRI, donc du Québec. Notre entretien va porter sur le sort des travailleuses et travailleurs étrangers venus combler nos besoins en main-d'œuvre. Nous aurons ensuite l'éditorial hebdomadaire de Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, puis ce sera la chronique de Cédric Leterme, avec qui on parlera de l'état de la démocratie en Europe. Mais d'abord, on écoute L'étranger de Pauline Julien. Quand j'étais petite fille, dans une petite ville, il y avait la famille, les amis, les voisins, ceux qui étaient comme nous. Puis il y avait les autres, les étrangers. L'étranger, c'était l'italien, le polonais, l'homme de la ville d'à côté, les pauvres, les quêteux, les moins bien habillés. Et ma mère, bonne comme du bon pain, ouvrait sa porte, rarement son cœur. C'est ainsi que j'apprenais la charité, mais non pas la bonté, les craintes, mais non pas le respect. Des pays au bout du monde, je pense à vous, je pense à vous. Demain, ce sera votre retour. Que ferez-vous? Que ferez-vous? Et voilà, vous venez d'entendre L'étranger au grain de sable sur CKRL 89.1. Alors justement, aujourd'hui, nous parlons des travailleurs étrangers avec le directeur de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Alors bonjour, M. Reinchold. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, donc... Oui, un peu plus tôt cette semaine, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a émis un avis sur la situation des travailleurs étrangers au Québec, dans un contexte où le nombre de travailleurs venus d'autres pays ne peut qu'aller en augmentant, avec une pénurie de main-d'œuvre qui se fait de plus en plus sentir, on le voit bien. Avant d'en venir au sujet, j'aimerais dans un premier temps que vous nous disiez quelques mots sur la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes que vous dirigez. Oui, donc c'est un regroupement d'organismes communautaires qui existe depuis une trentaine d'années et qui territoire du Québec, notamment à Québec aussi, où il y a certains organismes qui sont membres chez nous, donc qui offrent des services d'aide, d'accompagnement, de défense aussi. Et c'est ça, on travaille donc auprès des immigrants et des réfugiés en général. Mais par rapport au thème que vous souhaitez traiter, là, les travailleurs immigrants temporaires, ça, ils sont beaucoup moins présents dans notre réseau parce que malheureusement, ils ont, comme ça ressort bien dans la vie, en fait, ces personnes, du fait de leur statut temporaire, n'ont accès à aucun service, en fait. Mm-hmm. Donc, s'ils ont besoin d'aide, généralement, ils ne savent pas trop où aller. Oui, merci. Alors, dans un avis rendu public lundi, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse nous alarme sur le sort des travailleurs étrangers qui sont, selon elle, dans une situation de très grande vulnérabilité, pardon, comme vous venez de le montrer, de nous le dire. Donc, la Commission va même jusqu'à affirmer que les programmes gouvernementaux grâce auxquels les travailleurs migrants peuvent venir au pays créent les conditions pour que leurs droits ne soient pas respectés. Donc, est-ce que vous faites le même constat? Oui, en fait, c'est pas nouveau. Je pense que c'est quelque chose qui a fait le consensus ces dernières années, qu'il y a un problème là, en termes de droit des personnes qui ont un statut temporaire, d'immigration temporaire, notamment les personnes qui sont à l'emploi de certains employeurs. La vie, en fait, ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'ils font un peu le tour de toute la situation plus générale, parce que dans le passé, c'était certains groupes ou certaines personnes, bon, elles étaient dénoncées ou il y avait des choses devant les tribunaux, et ça essayait de se régler cas par cas, mais là, ce qui est intéressant dans la vie de la commission, c'est qu'ils font un constat plus général et disent, en fait, c'est pas tellement la situation individuelle de chacun de ces travailleurs qui pose problème, mais c'est bien le programme, c'est le système. Donc, il parle de discrimination systémique à cause du système qui est en place et qui encadre donc tout ce qui touche les travailleurs temporaires. Et donc, ce qu'il recommande, c'est plutôt que de faire venir des gens de manière temporaire et après, bon, quand ils ont fini leur temps, leur contrat de travail, de les renvoyer chez eux, plutôt de les aider à devenir des travailleurs permanents, qui puissent rester ici de manière permanente. Là, on frappe un problème important parce que ça relève de la juridiction fédérale, en fait, tout ce qui est les statuts des immigrants. Mmh. Québec peut pas vraiment intervenir, émettre des visas là. Ça, c'est le gouvernement canadien qui donne des visas, c'est pas le gouvernement québécois. Alors par contre, ce qu'ils disent, c'est que tout ce qui touche le droit du travail, leur droit et leurs conditions de travail, les normes du travail, ça relève du gouvernement provincial. Et là, le Québec pourrait légiférer et pourrait justement empêcher qu'il y ait des aberrations. Là, comme bon, un exemple très concret, on parle souvent des aides familiales qu'on fait venir majoritairement des Philippines comme travailleuses temporaires. Selon le programme, c'est un programme fédéral, mais leurs conditions de travail, c'est au Québec. Québec pourrait, par exemple, interdire aux employeurs, c'est-à-dire aux familles qui les emploient, dans leur contrat de travail, il y a écrit qu'il faut qu'ils logent chez son employeur. Et le Québec interdisait ça, en fait, elle ne pourrait plus loger ou ne serait plus obligée de loger chez l'employeur, même si le programme du fédéral dit qu'il faut qu'il... ce type de recommandation donc que fait la commission des droits. Mm-hmm. Ouais. Alors ça pourrait être mieux, dans le fond, s'ils peuvent loger. Non, il y a des bonnes idées. Je pense, bon, il n'y a rien de vraiment nouveau, de révolutionnaire. C'est juste qu'il est intéressant, c'est qu'il y a une bonne base d'analyse juridique là, au niveau de la charte et des lois actuelles, et avec beaucoup d'exemples. Donc, c'est pour ceux qui s'intéressent à la question, là, c'est un excellent document de référence. Mais là, il y a tout un travail de pression à faire sur le gouvernement québécois pour qu'il change un certain nombre de choses, pour que ces personnes-là soient traitées de manière équitable et égale à n'importe quel autre travailleur ou travailleuse au Québec. Ce n'est pas le cas actuellement. Non. Mais là, si on regarde, bon, il y a différentes catégories de travailleurs temporaires. Hein. Ma prochaine question, je voulais vous poser, c'est ça un peu. C'est plutôt complexe à saisir, nuance entre travailleurs migrants, immigration temporaire et immigration permanente. Il y a deux grandes classes d'immigrants au Canada et au Québec. Il y a ceux qui deviennent immigrants permanents. Et puis, il y a ceux qui viennent avec des permis de travail temporaires. Une année, deux années, trois années, ça dépend le type. Et dans le groupe des travailleurs temporaires, en fait, il y a deux sous-groupes. Il y a ce qu'on appelle les travailleurs qualifiés et les travailleurs non qualifiés. Alors ça aussi, les travailleurs qualifiés, c'est les personnes donc qui viennent ici parce que bon, ils sont recrutés par des entreprises pour des postes où ça prend des diplômes, une formation. Donc c'est selon le code des professions, là, il y a des catégories. Ça peut être des ingénieurs, des infirmières, des agronomes, qu'on vient chercher, on leur donne un permis pendant deux ans, vous travaillez. Mais l'avantage des travailleurs qualifiés, c'est qu'ils peuvent, une fois qu'ils sont ici, ils peuvent devenir résidents permanents. Contrairement aux travailleurs qui travaillent dans les domaines non qualifiés. Comme exemple, c'est les travailleurs agricoles. C'est mm-hmm. le plus grand groupe là, qu'on connaît bien au Québec. Hein, Ils viennent généralement pendant l'été pour les récoltes, et pour travailler dans les fermes et tout ça. Donc ces personnes-là ne peuvent pas, par la loi en fait, fédérale, ne peuvent pas devenir résidents permanents. Obligatoirement obligés, les travailleuses, donc c'est des programmes spécifiques, les aides domestiques, les aides familiales, c'est de nouveau différent, en fait, elles peuvent demander la résidence permanente, mais il faut qu'elles aient travaillé pendant trois ans, mm-hmm. et c'est un peu l'exception des travailleurs temporaires, elles peuvent, après avoir travaillé pendant trois ans, environ trois ans, peuvent déposer une demande de résidence permanente. Il y a plusieurs mesures. Comment? Il y a plusieurs mesures. Oui, il y a plusieurs mesures. Alors, donc, selon les programmes, complexe. Selon les catégories, mais généralement parlant, la grande difficulté, ce que relève aussi l'avis, c'est que un travailleur temporaire non qualifié, quand il vient au Québec, il a un permis de travail qui est rattaché à un employeur. Il a juste le droit mm-hmm. de travailler chez cet employeur. Alors, si moindrement il perd son boulot ou son employeur veut se débarrasser de lui pour toutes sortes de raisons, mm-hmm. Il ne peut pas travailler ailleurs. Donc, ça crée un problème majeur parce que c'est très arbitraire. Et en plus, ça donne beaucoup de pouvoir à l'employeur qui peut bien sûr faire du chantage. Je veux dire, si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Tu fais pas tes heures supplémentaires, si tu travailles pas le dimanche, moi je te congédie. Et le travailleur temporaire, s'il se fait congédier, il a aucune chance de retrouver du travail. Donc. Avec son permis de travail, il va être obligé de rentrer chez lui. C'est pour ça que la commission recommande d'éliminer les obligations de résidence. Aussi, oui. Alors, et là-dedans, bon, si tu t'habites comme les aides domestiques, sont vraiment exposés à des... Quand tu t'habites chez ton employeur, c'est sûr que c'est encore plus délicat. On est au niveau de l'arbitraire et de possibilités de chantage. Et aussi, on a tout vu, des abus de tout point de vue, que ce travailleurs temporaires ont très peu de droits, ils n'ont pas l'aide, comme je disais, ils n'ont pas accès à aucun service, ils n'ont pas droit à l'aide juridique, ils ne peuvent pas, c'est très difficile de contester, ils n'ont pas le droit de se syndiquer, donc ils sont vraiment dans une situation très vulnérable, parce qu'ils ne peuvent pas se défendre individuellement. Alors, en terminant, si je vous demandais d'attribuer une note à cet avis-là, donc, quelle note vous attribuez? Moi, je dirais, pour avoir ramassé tout ça, c'est quand même intéressant, puis très, très, très, très crié. Moi, je donnerais un 9 sur 10. Ce qui manque peut-être un peu, selon nous, en l'étudiant, c'est la question spécifique aux femmes, parce que beaucoup de travailleurs temporaires sont des femmes. Donc c'est peu élaboré parce qu'elles vivent une discrimination supplémentaire du fait qu'elles sont femmes. Donc il y aurait une analyse différenciée aussi à faire en termes hommes-femmes au niveau des discriminations. Et ça, c'est un peu faible, disons, dans la vie. Là, il y aurait du travail à faire encore. Alors merci beaucoup, M. Stéphane Richold, de nous avoir accordé cette entrevue. Très bien. Alors, nos auditeurs en savent maintenant un peu plus sur la situation des travailleurs étrangers. C'est compliqué comme histoire. Oui, donc en tout cas, je vous rappelle que vous êtes directeur de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes du Québec. Donc, je vous invite, si vous désirez en savoir plus, à communiquer avec eux. Et je vous rappelle aussi que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec vient d'émettre un avis dans lequel elle conclut que les aides familiales résidentes, les travailleurs agricoles saisonniers et les autres travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés sont victimes de discrimination en raison de leur origine ethnique, de leurs conditions sociales et, dans certains cas, de leur sexe. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Alors, avant d'entendre l'éditorial de Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, on écoute Bob Sinclair, qui était repris par Colonel Rayel et Mr. Chami. Me note à Gunsta. À tout de suite. La question reste la même. Est-ce l'amour ou le matériel qui mène? Que les riches donnent aux pauvres pour résoudre ce dilemme. Baguette magique, je transforme le smic. Je le monte à 10 000 en plein dans le mille. Wouh! Dream, dream, jackpot pour tous. Dream, dream, pour les plus beaux. Dream, dream, jackpot pour tous. Jackpot pour tous, jackpot pour tous. Pas dans ça. Put your hands up, oh oh. À la Robin des Bois. Put your hands up. On n'est pas des gangsters. Put your hands up, oh oh oh. Si t'es pas un gangster. Put your hands up. Nous on n'est pas dans ça. Put your hands up, oh oh. À la Robin des Bois. Put your hands up. On n'est pas des gangsters. Put your hands up, oh oh oh oh.

Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ça, c'est grâce aux luttes que les mouvements féministes mènent depuis des années. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le répéter. Il faut le rappeler. Voilà. D'ailleurs, on va mettre sur notre blog un lien pour accéder à cette étude un peu plus tard dans la journée. Ensuite, je profite de l'occasion, parce qu'il nous reste un petit peu de temps avant la pause publicitaire, pour rappeler la journée d'études de Paradis fiscaux, une injustice fiscale organisée par Attaque Québec le 31 mars à Montréal. Les inscriptions sont ouvertes et le programme est en ligne. On peut aller consulter. On peut se rendre sur le site Attaque Québec. C'est attaquequebec.qc.org. C'est cela, Valérie? C'est Attaque... Enfin, où on, de toute façon, on le mettra sur notre blog legraindesable.qc.org. Le grain sans QC, pardon, point ORG. Les conférenciers invités, c'est John Christensen, qui est fondateur du Réseau mondial pour la justice fiscale, et Alvin Mozilla, qui est coordonnateur du Réseau pour la justice fiscale africaine, et Miss Saoud Abda, qui est directeur du programme de la lutte contre la criminalité financière de l'Université de Sherbrooke, et d'autres invités. Donc, c'est une journée fort intéressante. Vous pouvez vous inscrire sur le site d'Attaque Québec. On rappelle la date? Avant le 26 mars qu'il faut s'inscrire, c'est le 31 mars. Excellent. Alors, merci Michel. Je crois que pour les renseignements, donc vous pouvez téléphoner au 514-279-7364. Donc, 514-279-7364. Alors, merci Michel. Tout cela est fort intéressant. Au retour, ce sera la chronique de Cédric Leterme et la situation de la démocratie en Europe. À tout de suite. Pour sa prochaine activité, le Ciné-Club Spirafilm vous propose l'émotion sur grand écran. Le 27 février 19h, à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou, voyez « Valse avec Bachir » d'Harry Folman, un film d'animation bouleversant présenté à Cannes en 2008. La séance sera précédée du court-métrage « Le dernier au revoir » de Nathalie Tanou. Invitée, Karine Boulanger, programmatrice à la Cinémathèque québécoise. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socioculturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, la Boîte à pain, le Bal du Lézard et CKRL. Du 21 février au 10 mars, premier acte présente Iphigénie en auto. Du théâtre grec qui se passe à Québec en 2012. Une tragédie à échelle humaine, plus petite même, comme en miniature. Verte. On l'a pris verte. On sait que c'est ta couleur préférée. Elle a juste deux portes, mais c'est bien pour commencer. C'est à toi, juste à toi. C'est toi qui vas la conduire, puis c'est toi qui va falloir qu'il s'en occupe. Mais tu vas pouvoir aller partout. C'est à toi, juste à toi. Tiens, prends les clés. Iphigénie en auto, présentée à premier acte du 21 février au 10 mars. Une production de La Vierge Folle, texte et mise en scène de Maxime Robin. Billets disponibles sur le réseau Billettech. Premier acte, une collaboration d'Hydro-Québec, de la Caisse populaire de Québec, d'Intermarché Saint-Roch, du Sacrilège et de CKRL. Les dimanches, les Routes Enchantées vous offrent leur harmonie. Tour à tour, Denise Leclerc, Sandra Lamoureux, Raymond Michel et Jean Perron vous accompagnent dès 13h. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. CKRL 89. Voilà, vous êtes toujours au Grain de Sable sur CKRL 89.1. Cédric Leterme est au bout du fil en direct de la Belgique pour la deuxième partie de l'émission. Bonjour Cédric. Bonjour Valérie. Alors Cédric, aujourd'hui tu voulais nous parler de l'état de la démocratie en Europe et si j'ai bien compris, elle ne va pas très bien. Oui, ben effectivement, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est une inquiétude qui est un peu grandissante ici en Europe et ça concerne, comme tu viens de dire, le respect de la démocratie. Alors c'est vrai qu'on a, on a tendance à croire de nos jours, et surtout dans les pays développés, que la démocratie, c'est quelque chose d'acquis. On se pose plus du coup tellement la question de savoir ce que c'est exactement la démocratie, c'est quoi ses conditions d'exercice, quelle forme elle peut prendre. Voilà, tout ça, c'est des questions qu'on se pose plus, on considère qu'on vit en démocratie, puis c'est comme ça. Donc pour nous, l'Occident, la démocratie, c'est la liberté, et les dictatures, par opposition, c'est toujours quelque chose qui arrive dans des pays éloignés. est dans des pays arriérés, barbares, auxquels on se permet de faire la leçon ou dans lesquels on se permet carrément d'intervenir, quoi. Mais Cédric, c'est sûr qu'il n'y a pas de dictature en Occident, voyons. Oui, mais c'est, bon, voilà, c'est un petit peu ça le sentiment généralisé. Le problème, c'est qu'évidemment, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Et il n'existe pas une seule forme de démocratie qui serait une démocratie parfaite, absolue, et de l'autre côté, une seule forme de dictature totalitaire qui en serait le parfait opposé, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il existe beaucoup de situations intermédiaires, complexes, et il n'y a pas toujours de différence très claire entre ces deux pôles un peu extrêmes. Et d'ailleurs, le passage de l'un à l'autre peut se faire parfois de façon spectaculaire, hein, comme dans le cas d'une révolution, par exemple, mais on peut aussi avoir des régressions, des avancées qui se font de façon graduelle, sans vraiment qu'on s'en rende compte, quoi, par des petites mesures, petit à petit. Comme l'adoption de projets de loi qu'une majorité de la population se rend défavore, par exemple? Oui, entre autres, ouais, tout à fait. Je suppose que tu fais référence à des cas oui. Oui, malheureusement, ça me rappelle vaguement un phénomène similaire ici, de ce côté-ci de l'Atlantique. Oui, c'est ça, c'est un assez bon exemple. Et du coup, à ce moment-là, ça devient évidemment beaucoup plus difficile de s'en rendre compte, surtout quand, comme je disais, quand on est persuadé que, et comme c'est le cas dans nos pays, que ça ne peut pas arriver, ce glissement-là, vers la dictature. On est persuadé, en fait, qu'une fois que la démocratie est installée, elle se défend toute seule, elle se perpétue toute seule, sans qu'il y ait vraiment besoin qu'on s'en occupe. Et ça, évidemment, c'est faux. La démocratie, elle ne peut pas exister indépendamment des gens qui la font exister. Il ne faut pas attendre que les chars et les bottes arrivent pour se rendre compte qu'on est en dictature. Il faut s'en occuper. Et il y a d'autres formes de dictature hein, que des formes militaires. Donc, il me semble que c'est de plus en plus évident en Europe avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Quoi. Donc, d'après toi, si je comprends bien, il y aurait un glissement qui s'effectue en Europe vers une forme de dictature, c'est bien ça? Mais comment ça se manifeste exactement? Il n'y a pas, comme tu dis, il n'y a pas vraiment eu de coup d'État militaire. Non, effectivement, il n'y a pas eu de coup d'État militaire en Europe. Et c'est pour ça que je disais qu'il existe plusieurs formes de dictature. Et celle qu'on voit se dessiner actuellement, ce serait plutôt une forme de dictature économique, financière. Une dictature qui se cache finalement derrière un discours économique, une fausse évidence économique pour tuer tout débat démocratique et pour imposer son ordre. Quoi. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est... C'est pas nous, c'est le marché. Et puis, si on fait pas ce que le marché dit, on court à la catastrophe. C'est un discours bon, qui est pas nouveau, en fait. Hein. Ça fait un petit temps qu'on est habitué à ce discours-là, à cette rhétorique-là. Et au Canada aussi, d'ailleurs, où vous le subissez depuis une vingtaine d'années. Et ça consiste à s'en remettre, en fait, à des supposées lois économiques, des lois très naturelles, et qui justifieraient donc toutes les régressions sociales. Le problème ici avec la crise de la dette en Europe, et la particularité, c'est qu'on est vraiment arrivé à un point où l'antagonisme entre le marché et la démocratie ne pourrait pas être plus clair. Et c'est vraiment un choc frontal. Et on ne cherche même plus à garder en fait, une illusion de démocratie ou de débat. On impose purement et simplement les dictats de la finance. C'est assez inquiétant. Une forme de dictature économique et financière. Alors, tu as des exemples? Oui, évidemment. Il y a des cas assez extrêmes. On a eu des exemples assez extrêmes récemment, avec par exemple les démissions forcées qui sont intervenues en Italie et en Grèce, des deux premiers ministres démocratiquement élus de ces pays-là. Alors on peut en penser ce qu'on veut. Je ne suis pas personnellement un grand admirateur de Berlusconi, mais il avait quand même été élu. Donc, M. Berlusconi et M. Papandreou, son homologue grec, ont été forcés à démissionner sous la pression du marché. Et ils ont été remplacés par des gouvernements dits techniques, donc de technocrates et de banquiers non élus, donc qui n'ont aucune espèce de légitimité. Tout ça pour rassurer les marchés en faisant croire que ces gens-là sont des experts et donc ils vont procéder à une gestion qui est technocratique, donc qui ne serait pas idéologique. Je t'arrête ici. C'est complètement faux. D'ailleurs, quand on voit l'état de la situation, on demande bien à l'expert en quoi ils sont, parce que ça n'arrête pas de se dégrader. Et en réalité, ces gouvernements techniques-là, c'est tout simplement des gouvernements aux ordres de la finance. Et une des meilleures preuves, c'est que ces deux nouveaux premiers ministres-là avaient tous les deux des liens assez étroits avec la banque d'investissement Goldman Sachs, hein, qui s'est rendue tristement célèbre pendant la crise financière, et puis la crise de la dette aussi, elle a joué un rôle très important en Grèce. Donc c'est des cas assez extrêmes, hein, où vraiment on assiste à ce que beaucoup ont appelé ici un coup d'État financier, c'est-à-dire qu'on renverse des gouvernements élus pour les remplacer par des gouvernements de banquiers, de financiers. Et malheureusement, les signes comme ça se multiplient en Europe depuis quelques temps, une allure qui est quand même assez inquiétante, en particulier en Grèce, qui est bon, doublement triste, puisque la Grèce, c'est quand même le berceau de la démocratie. Elle est vraiment bafouée et piétinée d'une manière assez scandaleuse. Et bon, il y a eu d'autres exemples en Grèce. Hein, la Grèce subit beaucoup. On se souviendra qu'au moment du G20 de Cannes, qui a eu lieu il y a quelques mois, il y a énormément de pression qui a été exercée sur la Grèce pour qu'ils reviennent sur sa décision en fait, d'organiser un référendum pour demander au peuple s'ils acceptaient les conditions du plan d'austérité qui avait été négocié avec ce qu'on appelle la Troïka. La Troïka, pour expliquer brièvement, c'est le regroupement de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne et du FMI, donc le Fonds Monétaire International, qu'on connaît un peu mieux. Et donc ces trois institutions-là, en fait, prêtent de l'argent à la Grèce, ils lui imposent, parce que la Grèce est incapable de se financer, chez des taux sont trop élevés, donc on lui prête de l'argent, c'est ces trois institutions-là qui s'en occupent, mais qui lui imposent à côté de ça des plans d'austérité dignes de ce qui était imposé dans les pays du Sud, avec des conséquences désastreuses qu'on connaît. Donc on a forcé la Grèce, enfin on a empêché la Grèce plutôt de tenir un référendum sur l'adoption de ces plans-là, qui ont pourtant des conséquences dramatiques. Et plus récemment encore, il y a eu aussi tout un jeu de pression diplomatique qui a été fait en Grèce pour obliger le pays à ancrer l'austérité dans la gestion politique du pays en la soustrayant à un quelconque contrôle démocratique. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'adoption, très récemment, il y a quelques semaines, du nouveau plan d'austérité, on ne les compte même plus tellement il y en a, il y a eu, pour une fois, il y a eu des défections de députés qui ont refusé de voter ça, et donc ces députés-là ont été exclus, mais ce qui fait que les partis au pouvoir n'ont plus la majorité. Donc non seulement ils n'avaient pas, ils pas été élus, mais en plus, ils n'ont même plus la majorité au Parlement. Donc il va falloir organiser des élections, et là l'Union européenne est un peu inquiète, parce qu'elle a peur que ce qui sortira des élections remette en cause les accords qui ont été passés avec la Troïka. Donc elle essaie d'obliger les différents partis à s'engager à l'avance à appliquer ce plan-là. Et donc, quel que soit le résultat des élections, finalement, la politique qui sera suivie après serait la même. Mmh. Donc, on voit un petit peu le respect et l'idée qu'ils font de la démocratie. Ça, c'est au niveau de la Grèce, qui est vraiment aux avant-postes du désastre, on va dire. Mais même au niveau de l'Union européenne elle-même, la tendance aussi est à l'instauration de mécanismes de plus antidémocratiques. Alors, sur ces révélations choc, encore une fois, chers auditeurs, donc par la suite, on va parler plus de l'Union européenne. Mais d'abord, on va écouter « Je n'irai pas voter demain » du groupe Une touche d'optimisme. Je n'ai plus de voix, je suis affolé et je jetterai mon bulletin dans les poubelles de l'Hexagone. Je n'irai pas voter demain. Thank you. une touche d'optimisme avec la chanson « Je n'irai pas voter demain ». Donc, je vous rappelle qu'après le grain de sable, ce sera « Conte de fées » animé par Olivia Vu. Pour l'instant, on est toujours avec Cédric Leterme, ici au grain de sable sur CKRL 89.1, qui nous parle depuis la Belgique et avec qui on évoque le tournant antidémocratique pris par l'Europe sous le coup de la crise de la dette. Juste avant, Cédric, donc, tu nous parlais un peu des gouvernements dits techniques. Donc, qui est plus un gouvernement lié aux ordres de la finance. C'est un peu un phénomène donc, qui se passe plus là, en Grèce, là, comme tu nous le disais, mais c'est un phénomène qui a été longtemps, en tout cas, qui a vu beaucoup le jour dans l'Amérique du Sud. Mm-hmm. Oui, tout à fait. On a vraiment assisté au même genre de dérive là-bas, où, bon, voilà, sous prétexte d'une gestion qui serait la unique voie possible, en fait, eh ben on impose des politiques d'austérité antisociale en prétendant que c'est la seule façon de sortir d'une situation, et en fait ça ne fait que l'aggraver, hein. Donc c'est ça qui est un petit peu impressionnant et dramatique, c'est que ça n'a pas fonctionné en Amérique latine, ça n'a pas fonctionné en Afrique, et on réapplique quand même les mêmes politiques qui ne fonctionnent pas. La Grèce en est à je sais plus son 40e plan d'austérité. Les autres pays le limitent et son dette ne fait qu'augmenter, elle s'enfonce dans la récession. Je crois qu'elle aura à peu près 6% de récession cette année, donc c'est terrible. Et on voit mal comment en sortir en restant dans ce cadre-là. Et en Europe en général? En Europe, en fait, comme je disais, hein, c'est un peu aussi la même tendance qu'il y a alors. Par contre, j'ai dit que ça s'était aggravé avec la crise. Il faut quand même rappeler que même avant la crise, on avait un problème de ce qu'on a appelé le déficit démocratique en Europe, c'est-à-dire un espèce d'éloignement progressif de l'Union européenne de ses citoyens et l'impression du coup chez ces citoyens-là qu'ils n'ont aucun contrôle sur cette espèce d'entité géante qui les surplombe et qui a vraiment une influence énorme sur beaucoup d'aspects de leur vie quotidienne. Donc un très bon exemple de ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça a fait beaucoup de bruit en 2005, de tous les débats qu'il y a eu autour du traité constitutionnel européen. C'est un traité qui devait être adopté en 2005 et qui visait en fait à doter l'Europe de l'équivalent pour un pays de ce que serait une constitution. Donc on voulait vraiment rassembler tous les principes fondateurs, tous les traités au sein d'un gros traité qui serait en fait la constitution de l'Europe. Alors le problème, c'est que pour entrer en vigueur, ce traité-là devait être ratifié par l'ensemble des pays membres, évidemment. Et là, malgré ce qu'on peut vraiment appeler un véritable matraquage médiatique, politique, académique pour faire voter oui, c'est-à-dire qu'on est, les rares personnes qui se prononçaient contre étaient immédiatement taxées de populistes, faisaient le jeu de l'extrême droite. Enfin, on était vraiment honnis si on avait le malheur d'émettre des critiques sur ce texte. Et malgré ça, les Français ont quand même rejeté le texte et les Hollandais aussi. Donc ça a fait évidemment l'effet d'une bombe à l'époque, puisqu'il s'agit de deux pays fondateurs de l'Union européenne. Donc ça révélait bien le malaise qui était en train de s'installer progressivement dans ces pays-là par rapport au projet de construction européenne. Et malheureusement, face à ce rejet-là, mais plutôt que d'en profiter pour se remettre en question, les dirigeants européens ont plutôt décidé de passer en force. Ils ont choisi la fuite en avant et ils sont revenus en fait en 2007 avec ce qu'ils ont appelé un traité simplifié. Alors c'est un traité constitutionnel simplifié. Voilà, exactement. Donc ils ont rebaptisé, hein, ils ont appelé ça traité simplifié. Donc on a évacué la référence constitutionnelle. On l'a appelé le traité de Lisbonne en fait. Traité de Lisbonne. Ils ont prétendu, en ayant recours à ce moyen-là, que ce n'était plus le même texte, que ça n'allait plus aussi loin, mais en fait, la plupart des dispositions sont reprises dedans. Ils ont juste enlevé quelques petites références, remodelé un petit peu le tout, c'est exactement le même traité. Ils sont vraiment revenus avec les mêmes choses. Ils n'ont pas du tout amélioré sur les questions qui faisaient litige. Du coup, cependant, ça a permis, par exemple, à Nicolas Sarkozy de prétendre que, puisqu'il s'agissait d'un traité simplifié, ça ne valait pas la peine de le resoumettre à référendum. Mmh. Donc, il a privé les Français de leur droit d'expression là-dessus. Il a fait adopter le texte par voie parlementaire, ce qui est un des choix disponibles. Donc, on voit bien aussi de nouveau le respect, l'idée qu'ils font de la démocratie là-bas. Mmh. À côté de ça, ce qui a été encore plus frappant, c'était le cas d'Irlande, qui, elle, a pu se prononcer par voie référendaire sur le traité. Et ils l'ont rejeté en 2008. Les Irlandais ont refusé de ratifier. Une majorité assez confortable. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'Union européenne n'a pas accepté le résultat, considérait que ce n'était pas la bonne réponse. Non, non. Ils n'avaient pas voté de la bonne manière, donc voilà, tout simplement. Et donc, ils ont fait des pressions abominables sur l'Irlande, qui était, bon, on l'accusait de manger la main qu'il avait nourrie, d'avoir profité des fonds européens pendant longtemps, et maintenant de rejeter, de bloquer. Enfin, ça a été assez détestable, en fait, ce qu'ils ont fait, la campagne médiatique qui a entouré tout ça. Et du coup, le pays a réorganisé un référendum pour s'assurer, cette fois, d'avoir la bonne réponse. Et effectivement, ils l'ont eu en 2009. C'est le oui qui l'a emporté cette fois, après des pressions scandaleuses de la part de l'Union européenne et des dirigeants européens. Le oui l'a donc emporté à une faible majorité. Donc, on voit bien un peu l'idée qui se fonde la démocratie. C'est quand ça donne les résultats qu'on veut, c'est très bien. Mais sinon, si les gens n'ont rien compris, il faut tout leur expliquer. Et comme je disais, on voit que ça ne date pas d'hier, en fait. Hein. Donc, ça s'est aggravé avec la crise, mais c'est déjà des mécanismes qui sont à l'œuvre depuis un petit temps en Europe. Oui, effectivement, ça colle assez mal avec l'idée qu'on se fait de la démocratie, n'est-ce pas? Alors, Cédric, tu disais aussi qu'au-delà du sort particulier de certains pays comme la Grèce, qui se voit imposer une discipline de fer par la Troïka, donc trois institutions que tu nous avais nommées tout à l'heure, là, dont le FMI fait partie, l'Union européenne adoptait elle-même des mécanismes de verrouillage des politiques nationales qui sont assez stricts. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Mais en fait, on en a déjà souvent parlé à l'émission, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne a fait le choix de considérer que la crise qu'elle traversait actuellement, la crise de la dette, était due uniquement à l'irresponsabilité des États qui se seraient donc trop endettés. Ah oui, c'est vrai. On l'entend souvent, cette affirmation-là. Oui, c'est vraiment le message dominant qu'on matraque à longueur de journée. Donc, du coup, selon cette interprétation-là, eh bien, les marchés sont craintifs par rapport à la possibilité des États de pouvoir rembourser leurs dettes parce qu'elles s'accumulent à un rythme effrayant. Et ce qui expliquerait donc que les taux d'intérêt qu'ils exigent soient de plus en plus prohibitifs pour des pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Irlande. Enfin, on pourrait en citer beaucoup. Donc, la solution à ce moment-là pour l'Union européenne passe d'une part par des stratégies de désendettement radical, donc les plans d'austérité qui sont appliqués un petit peu partout avec les résultats et les conséquences qu'on connaît. Et d'autre part, elle cherche aussi à mettre en place des mécanismes qui permettraient d'empêcher que les États puissent se réendetter de cette manière-là. Donc, tout ça pour essayer de redonner cette fameuse confiance au marché et de faire en sorte donc, que les taux d'intérêt pourraient rediminuer pour que les États puissent se refinancer à des taux abordables. Donc, pour faire ça, l'Union européenne, ce qu'elle a adopté récemment, en janvier dernier, en fait, c'est ce qu'ils ont appelé un pacte budgétaire qui oblige, en fait, les États à maintenir leur déficit à l'intérieur d'une certaine fourchette. Donc, c'était déjà le cas, mais maintenant, ils ont ancré ça dans un traité. La fourchette est rapetissée, si vous voulez. Donc, l'autorisation de déficit est plus faible. Et maintenant, ce qui a surtout changé, c'est que si jamais on dépasse ces objectifs-là, on peut se voir imposer des sanctions de façon quasiment automatique. Donc, c'est des sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à 1% du PIB. Mmh. Alors, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'on demande aussi aux États membres d'inscrire cet objectif d'équilibre budgétaire dans leur législation nationale et de préférence dans la Constitution. Donc, c'est ce qu'on a appelé cette fameuse règle d'or d'équilibre budgétaire qui devrait être inscrite idéalement dans les constitutions des États membres. Alors, cette fameuse règle d'or, mais quel est le problème avec ça? Ça ressemble pas mal à notre déficit zéro ici, quand on parle d'équilibre budgétaire. Après tout, ce n'est pas plus mal d'être obligé de ne pas s'endetter, n'est-ce pas? Oui, mais en fait, il y a plusieurs problèmes avec le pacte budgétaire qui ont été soulevés immédiatement. D'abord, en fait, au niveau même de sa logique, et puisqu'elle repose sur une mauvaise interprétation des causes de la crise, mais forcément, les solutions qui en sont inspirées ne peuvent être que mauvaises aussi. Faut le redire, on réinsistera jamais assez là-dessus. La crise de la dette actuellement en Europe, elle n'est jamais que le prolongement de la crise financière qu'on a appelée la crise des subprimes, c'est-à-dire ces prêts immobiliers pourris qui ont été vendus aux États-Unis et qui ont failli entraîner un écroulement mondial de la finance. Donc la crise de la dette européenne, c'est le prolongement de cette crise-là. C'est-à-dire que, en fait, suite à cette crise, la dette de l'Europe a augmenté de 20% alors qu'elle est en train de se réduire avant. Après la crise, elle a augmenté de 20% puisqu'il a fallu sauver les banques et aussi adopter des plans de relance pour essayer de soutenir la demande et de soutenir l'économie. Et d'ailleurs, il faut préciser ici que si ce fameux pacte budgétaire et la règle d'or avaient été en vigueur au moment de la crise, soit on aurait couru à la catastrophe, soit plus probablement cette règle d'or aurait sauté puisque les États étaient bien obligés d'intervenir à ce moment-là et de s'endetter pour régler la situation. Donc ensuite, le jeu de la spéculation et les conséquences de l'austérité ont fini par pousser des pays comme la Grèce dans une spirale infernale, c'est-à-dire pour essayer, bon, ils adoptent des plans d'austérité qui entraînent de la récession. La récession entraîne une dégradation, évidemment, de leurs conditions objectives. Donc, on leur demande des taux d'intérêt d'autant plus grands. Ils appliquent des plans d'austérité et puis c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Et on voit mal comment le pacte actuel pourrait les sortir de cette dynamique-là et au contraire, il ne fait que l'aggraver. Ce qui les force à prendre des mesures qui ne font qu'aggraver la situation suite à leur demande d'appliquer encore plus de mesures. Il faut d'ailleurs noter l'absurdité totale du mécanisme puisque, j'ai dit, la sanction, si jamais on s'endette trop et qu'on est surendetté, c'est une sanction financière. On voit mal comment un pays qui est déjà surendetté pourrait se permettre de payer une amende. On voit mal avec quel argent il paierait l'amende. Bonne question. Ça, c'est une chose sur la logique même du mécanisme. Autre chose, c'est que les caractères profondément antidémocratiques, de nouveau, de ce pacte-là, puisqu'il prive en fait les États fondamental d'une marge de manœuvre qui est essentielle pour eux, hein, qui constitue la possibilité de pouvoir s'endetter. C'est un outil qui est essentiel pour les États. Et tout ça pour rassurer des marchés qui donc se retrouvent en fait, eux, de facto, d'un maître de la politique économique des États. Oui, on voit un peu mieux alors ce qu'on reproche à ce pacte, n'est-ce pas? Et pour terminer, Cédric, est-ce que tu peux nous glisser un mot aussi sur le mécanisme européen de stabilité qui vient également d'être adopté? Oui, mais en fait, donc c'est ça, ce mécanisme européen de stabilité, le MES, on va en entendre un petit peu parler, il vient d'être adopté et c'est un peu le complément en fait du pacte budgétaire. Il s'agit en fait d'un fonds de sauvetage, si vous voulez, qui est destiné donc aux pays en difficulté. Comme je disais, les pays comme la Grèce ou comme l'Espagne ou comme l'Italie vont probablement être dans cette situation-là à un moment donné. Les taux d'intérêt qu'on leur exige sur les marchés sont trop élevés, donc pour se financer, ils ont besoin de se tourner vers d'autres sources, l'Union européenne, le FMI ou la Banque centrale européenne. Et donc ici, on a mis en place ce fonds de sauvetage-là qui est alimenté par les États membres et qui permet donc de d'accorder des prêts aux États qui ne parviennent plus à se financer sur le marché. Le problème, c'est que ces prêts-là sont liés au respect des mesures de discipline budgétaire prévues par le pacte et dont l'application est contrôlée donc par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne, dont, il faut le rappeler, les membres ne sont pas élus directement. Ils ne sont même pas élus du tout dans le cadre de la Banque centrale européenne. Donc on a aussi là un gros problème démocratique, évidemment. Tout d'abord, ne fût-ce que la façon dont le pacte et ce mécanisme européen de stabilité ont été adoptés, et puis ils entraînent quand même pour les États qui les financent aussi, hein, qui mettent à disposition des sommes là-dedans, des engagements importants. Il n'y a eu quasiment aucun débat démocratique là-dessus, et puis il n'y a aucun référendum qui est prévu pour voir si les populations acceptent ce mécanisme-là et le pacte qui va avec, mais dans leur fonctionnement aussi, hein, puisque, comme je disais, l'application de ces mesures draconiennes, hein, est confiée à le contrôle de leur application est confiée à des institutions qui sont non démocratiques, et donc les États se retrouvent de nouveau privés de leur capacité à exercer souverainement leur politique économique. Donc, on a vraiment un gros problème de nouveau. Bon, eh bien, merci Cédric. C'est déjà l'heure. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, merci pour ces éclaircissements sur la situation européenne. Malheureusement, le tournant antidémocratique et les menaces qui pèsent là-bas sur la démocratie. Alors, j'espère que des solutions plus démocratiques pour contrer ces situations verront le jour sous peu, n'est-ce pas? Oui, hein? Alors on se retrouve dans un mois pour une nouvelle chronique consacrée à l'actualité européenne. Merci. À bientôt. À bientôt, Valérie. Nous en sommes maintenant aux événements à surveiller dans les prochains jours qui viennent. Alors, Michel, qu'avez-vous retenu pour nous cette semaine? Tout d'abord, dans un petit peu plus d'une demi-heure d'ici, dans le quartier Saint-Roch, si vous êtes dans le quartier ou si vous êtes non loin du quartier, vous pouvez vous y rendre. Il y a un café urbain sur la diversité culturelle dans Saint-Roch. Ça, c'est à la salle communautaire du 201 rue du Roi. Il faut entrer par la rue Saint-François au coin Caron. Alors, c'est la table de quartier L'Engrenage de Saint-Roch en collaboration avec le conseil de quartier de Saint-Roch et le centre multiethnique de Québec qui vous convie à son quatrième café urbain sur le thème de la diversité culturelle dans le quartier. Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, vous venez apprendre sur l'immigration et échanger avec des citoyens d'ici, d'ailleurs, qui contribuent à la mixité de Saint-Roch. Oh, quelle belle ouverture d'esprit! Tout à fait, j'y vis dans Saint-Roch et je peux en témoigner, effectivement. Ensuite, toujours aujourd'hui, à 4h, de 16h à 21h, c'est une conférence d'Alain Deneau. On connaît bien Alain qui est associé à TAC Québec. Alain Deneau qui fait une conférence intitulée « Démocratie fiscale et fraude financière ». Et il y a Sébastien Bouchard aussi qui fait une conférence sur ce que la gauche propose face aux crises. Tiens, ça tombe bien, Cédric vient justement d'en parler. Alors ça, c'était la courtisane au 51 rue Saint-Louis à Lévis. vie. Et on peut appeler au 418-837-6480 si on veut en savoir davantage. Petite précision, la salle de réception est au deuxième étage. Ensuite, rapidement, Valse avec Bachir. Le beau film Valse avec Bachir. Au Ciné-Club Spirafilm, lundi soir à 19h. Ça, c'était la salle Sylvain Lelièvre du cégep Limoilou. Et ça va être, disons que le Karine Boulanger de la Cinémathèque québécoise va être sur place pour répondre aux questions du public. Alors, ça s'annonce fort intéressant, ce film, finalement, qui est un court-métrage. Ah, il va y avoir un court-métrage d'ouverture, Le dernier au revoir de Nathalie Tanou. Voilà. Pardon? Oui, alors est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout, voilà. Oui, d'accord. Oui, alors, j'aimerais remercier notre invité de la semaine, M. Stéphane Reichold, de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes du Québec. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais également remercier toute l'équipe qui s'affaire à rendre possible cette émission. Cédric Leterme pour sa chronique sur les actualités socio-économiques en Europe. Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, pour sa précieuse participation à chaque semaine en nous livrant son éditorial, toujours aussi pertinent et percutant. L'incontournable Michel Monette à la réalisation et également aux communications. Et Fabien Dubuis à la mise en onde. Allez, alors je vous invite à ce sujet de consulter nos pages Facebook, Google+, et notre fil Twitter qui sont également accessibles depuis notre blog legraindesableqc.org. Et je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter. Donc, les enregistrements sont sur le site de CKRL et également sur celui d'Attaque Québec. C'est Valérie Blouin qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi midi, pour une nouvelle édition du Grain de sable, à saveur hautement alternative. Maintenant, je vous laisse donc en compagnie de la charmante Olivia Vu et Conte de Fées sur les ondes de CKRL 89.1, cette radio unique qui cultive vos goûts.